إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer maintenant la partie numéro 7 dans l'explication. Je crois que si je me recule ce sera mieux parce qu'il y a de l'interférence. Non. Donc on est dans la partie numéro 7 dans l'explication du livre إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء c'est-à-dire le consensus des ulama au sujet du fait de s'écarter et de mettre en garde contre les gens de la passion ou les gens de bid'ah. Et on a lu hier la parole de l'imam ou du cheikh Mohamed Khalil Harras qui expliquait la citation du livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Nuniyah et il clarifiait donc un petit peu cette citation là. Il donnait des exemples par rapport au fait que on devait s'écarter des livres des gens de bid'ah pour éviter de tomber dans leur filet, et il mentionnait donc que plutôt il fallait prendre notre aqida des livres qui sont propres, qui sont purs, donc qui ne sont pas mélangés avec du batil ou des faussetés. Et puis contrairement aux gens qui vont chercher leur connaissance dans les poubelles, dans des choses de ce genre, c'est-à-dire dans des endroits qui ne sont pas propres. Donc ça c'est des exemples que le cheikh donnait pour nous faire comprendre ce principe-là. Après avoir mentionné cette parole, le cheikh Khalid al-Zufairi Hafizahullah, il mentionne maintenant une autre parole de l'imam Zahabi. Il dit que l'imam Zahabi, après avoir mentionné certains livres des gens de bid'ah, comme par exemple le livre de ce qu'on appelle Ikhwan al-Safa, un livre qui a été écrit par des hérétiques et des Batiniyoun, des Ismaélites, des sectes complètement dévié en dehors de l'islam. Après avoir mentionné ces exemples-là, il dit donc, alors prenez garde et faites attention à ce genre de livres. Et enfuyez-vous, fuyez avec votre religion de ce genre d'ambiguïté qui a été propagée auparavant. Sinon, vous allez tomber dans la confusion. Donc, celui qui désire le salut et le succès, alors qu'il reste accroché à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne cesse de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il continue à toujours implorer son Seigneur, son Maître, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse rester toujours ferme sur son islam. Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse mourir sur la foi des sahaba et des premiers d'entre les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les Sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne le succès. Donc ça, c'est une citation tirée de Sira Alam Nubala. Et il cite ensuite une autre parole de l'imam Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et lorsqu'il parlait des Asha'ira, il mentionne à ce sujet-là, il dit que les gens qui sont venus plus tard dans l'histoire de l'islam ont écrit des livres pour supporter leurs fausses croyances. Hein? Et des livres qu'ils ont intitulés par des noms, comme les noms suivants par exemple, Jawharatul Tawhid. Eh bien, Jawharatul Tawhid, c'est un livre de Aqidah que les Asha'ira enseignent. Et si vous allez par exemple à l'Azhar aujourd'hui, c'est le livre qu'ils enseignent, un des livres qu'ils enseignent dans l'Aqidah. Mais c'est un livre de la Aqidah de la secte des Asha'ira, l'Ash'ariya. Et ce sont des gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et déforment leur sens. Et donc c'est des gens qui appellent au ta'til, hein, à la négation des attributs, soit directement ou indirectement, et également à toutes sortes de formes de déviation. Et il mentionne qu'il n'est pas permis de regarder dans ces livres-là. Et il mentionne que également ces gens-là ont également d'autres livres dans lesquels ils nient le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit le Très-Haut et qu'il soit au-dessus de sa création. Et dans lesquels ils nient les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart de ces attributs, ils les nient. Ils n'affirment que 7 attributs. Et ces attributs-là qu'ils affirment, eh bien, ils ne les affirment même pas correctement non plus. Hein? Comme l'attribut de la parole, on a donné des exemples de ça préalablement. Hein? Et ils disent que le Coran ou la parole d'Allah, ils disent que c'est le sens de la parole qui est en Allah, que ce n'est pas la parole qui est qu'on prononce ou la parole qui est récitée dans le Coran. Donc, qu'est-ce qui est récité, qu'est-ce qui est écrit, les mots, ça c'est créé, ils disent. Tandis que qu'est-ce qui est la parole d'Allah éternel, c'est le sens de cette parole qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de leur bid'ah. Hein? Tandis que les salafs, ils disaient non, le Coran c'est la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Et elle est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la citation qui est tirée de Ad-Durar As-Saniya. Une autre parole de l'imam du Sheikh Al-Allama Siddiq Hassan Khan, qui a dit, ça c'est un des savants qui vivait plus près de l'Inde, des régions de l'Inde, de l'Orient, qui faisait partie des ulama qui était sur la aqida des salafs et le manhaj des salafs. Et il dit dans un de ses livres que parmi les éléments de la sunna, il y a le fait de s'écarter des gens de la bid'a et de se séparer d'eux complètement et d'abandonner les débats et les disputes au sujet de la religion et de la aqida et de la sunna. Et toute invention dans la religion est une bid'ah. Et il dit que également parmi les éléments de la sunna, c'est d'abandonner le fait de regarder dans les livres des mubtadi'a ou de ne pas les écouter, pas écouter leurs paroles dans les fondements de la religion, de même que dans les différentes branches de la religion. Et il donne des exemples de ces différentes sectes ou de ces différents groupes de bid'ah, comme les Rafida, les Khawarij, les Jahmiya, les Qadariya, les Murji'a, Al-Karramiya et les Mu'tazila. Et il dit ça, ce sont des sectes parmi les sectes des Garma, hein, et parmi les voies de Bid'a. Et bien entendu, il y en a plus que ça, mais ça c'est les plus importantes. Et la plupart des Bid'a sont la plupart des bid'ah et des autres sectes qui sont apparues par la suite sont, ont découlé de ces quatre ou de ces six différentes sectes qui ont été mentionnées. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 70, en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que la umma, sa umma va se diviser en 73 sectes, et que toutes allaient être en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont demandé laquelle au messager d'Allah, eh bien, il a répondu, c'est la jama'a. Dans une narration, il a dit c'est la jama'a. Et dans l'autre narration, il a dit c'est celle qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Et donc, al-jama'a, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les tabi'in. Ce sont les tabi'in. Tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc, ce sont ceux-là qu'on doit suivre et ce sont eux qui représentent le groupe sauvé et ce sont eux qui représentent le groupe victorieux. Et les autres groupes sont des groupes de bid'ah, des groupes de déviation, des groupes d'égarement. Parmi ces groupes-là, il y en a peut-être qui sont arrivés avec des innovations qui ont atteint le degré de kufr akbar ou de shirk akbar. Et parmi eux, il y en a qui n'ont pas atteint ce degré-là dans l'égarement, mais sont quand même tombés dans des formes de, d'égarement quand même, des formes de bid'ah et d'égarement quand même. Toutefois, ils sont toujours à l'intérieur des limites de l'islam. Et ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Cheikh Al-Fawzan a expliqué à propos de ce hadith, que ça ne veut pas dire que ces 73 sectes-là, Cheikh Ibn Baz aussi l'a expliqué et d'autres également, ça ne veut pas dire que ces 72 sectes qui sont menacées de l'enfer sont menacées pour rester en enfer éternellement. Parce que tant qu'ils ne sont pas en dehors de l'islam, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer. Ceux qui vont demeurer éternellement en enfer, c'est ceux qui sont sortis de l'islam parce qu'ils ont commis un acte de kufr, ou une parole de kufr, ou de shirk akbar, majeur. Ceux-là demeureront en enfer pour l'éternité. Toutefois, ceux qui n'ont pas atteint ce degré-là, eux sont menacés de l'enfer, et s'ils rentrent en enfer, ils vont y rester un certain temps, mais ils vont en sortir par la suite. Ils ne vont pas y demeurer pour toujours, pour l'éternité. Et que ce nombre qui est mentionné de 72 sectes, eh bien, ça ne veut pas dire que ça se limite nécessairement à 72. Ça peut être plus que 72 aussi. Comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué. Donc, ça c'est pour comprendre. C'est un point important parce que souvent les gens, quand ils entendent ce hadith-là, ils ne le comprennent pas correctement. Donc c'est bien de le connaître et puis de le comprendre comme il faut. Parce que beaucoup de gens de bid'a ou beaucoup de hizbiyin ou des gens d'Ikhwan ou d'autres sectes, ils refusent même de mentionner ce hadith-là. Ils ne veulent même pas l'entendre. Et même certains parmi eux sont allés jusqu'à le déclarer faible ou essayer de dire qu'il n'est pas authentique. Hein? Et parmi les pires exemples de ça, ce que Yusuf al-Qardawi a dit à propos de ce hadith. Pour essayer de le déclarer faible, il dit il n'est pas rapporté par al-Bukhari, donc il n'est pas authentique. Hein? Il n'est pas rapporté par al-Bukhari, donc c'est probablement parce qu'il n'est pas authentique. Et bien entendu, n'importe qui a étudié le hadith, ou même les bases élémentaires du hadith, il saura que l'imam al-Bukhari n'a jamais eu l'intention de rapporter tout ce qui est authentique. De même que Muslim. Hein? Il n'a pas dit que si je ne mets pas un hadith dans mon livre, il n'est pas authentique, ou je doute de son authenticité. Pas du tout. Il y a beaucoup d'autres hadiths authentiques qui ne sont pas dans Sahih al-Bukhari et qui ne sont pas dans Sahih Muslim, qui sont dans les autres sunan et dans les autres livres de hadith. D'accord? Donc ça, ce n'est pas un argument. Hein? Et puis, il y a un nombre très grand de ulama qui ont authentifié ce hadith. Et parmi les derniers, parmi les plus célèbre à notre époque, peut-être, c'est celui qu'on connaît le plus, Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, qui l'a authentifié, et d'autres également, parmi les grands ulama. Hein? Donc ce hadith, il n'y a pas de doute là-dessus, il est authentique. Et même s'il n'était pas authentique, il y a plein d'autres hadiths qui ont le même sens que ce hadith-là, et qui supportent l'idée que, ou le point que, il y aura des divisions, des égarements dans la Ummah, mais qu'il y a un seul chemin qui mène à la vérité. Il n'y en a pas plusieurs. Hein? Ça, c'est clair. Ensuite, le cheikh, il dit, donc après avoir mentionné cette parole de l'imam Siddiq Hassan Khan dans son livre Qatf al-Thumar fi Aqidati Ahl al-Athar, il dit, et j'ajoute à ceci, que les salafs ont dit qu'il est obligatoire de détruire les livres des gens de Bid'ah et de les rendre inutilisables, de faire en sorte qu'on puisse plus les lire, comme l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné. On l'a lu dans les paroles de l'imam Ahmad hier et de d'autres imams, et ici il mentionne que l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné lui aussi, et il a dit que, par exemple, il n'y a aucun dommage à payer pour avoir brûlé les livres des gens de Bid'ah et pour les avoir détruits. Donc les ulama, ils disaient par exemple, si quelqu'un il est attrapé en train de voler des livres des gens de Bid'ah, on ne va pas lui couper la main. Parce que ces livres-là sont interdits. Et donc le fait de, si quelqu'un les a volés, ne va pas être considéré comme ayant commis quelque chose de haram, puisque ces livres-là sont obligés d'être brûlés. Ou si quelqu'un l'a pris, il l'a brûlé, il l'a emprunté de quelqu'un, il l'a brûlé, ou des choses de ce genre. Bien entendu, ça c'est dans un État islamique qui est sur la, ceux qui dirigent sont sur la sunna. Hein? Si tu vas dans un pays des gens de bid'ah, comme en Iran par exemple, et que tu brûles les livres des rafidah, qui insultent les sahaba, et qu'ils t'attrapent, ils vont te punir. Hein, ils vont te faire payer, ça c'est certain. Donc il faut quand même pas être bête, il faut faire attention, hein. Et si tu vas pas non plus penser que bon, ça y est, j'ai le droit de prendre les livres des gens de bid'ah puis de les brûler, après tu te fais attraper, tu vas avoir des problèmes. Donc c'est pas ça que ça signifie, pas aller faire ça, hein. Mais ça signifie dans le principe qu'il faut le comprendre, ce principe là et que dans les pays musulmans, les autorités, ils prennent les livres des gens de bid'ah, puis ils les détruisent. Hein? Et des choses de ce genre. Donc, on va même donner un exemple tout à l'heure des paroles d'un des ulama justement qui avait ordonné justement qu'un livre soit brûlé. Et vous allez voir ça, Inch'Allah. Ensuite, il dit, l'imam al-Marwazi, il a dit, j'ai dit à l'imam Ahmed, bon ça c'est qu'est-ce qu'on avait lu hier aussi, il le répète encore. Il dit, j'ai emprunté un livre de quelqu'un, et dans ce livre-là, il y a des mauvaises paroles. Est-ce que je le brûle ou je le déchire? Il a dit oui. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu entre les mains de Omar ibn al-Khattab un livre qu'il avait copié ou qu'il avait pris de la Torah. Et il avait trouvé que c'était beau, qu'est-ce qui était écrit dedans, et que c'était en accord avec le Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, son visage était comme s'il est devenu en colère. Hein, on voyait l'expression de la colère dans son visage. Et à un tel point que Omar ibn al-Khattab, quand il a vu la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les pages de ce livre et il les a jetées dans le fourneau pour les brûler. Alors le cheikh, il dit, imaginez, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu comme réaction s'il aurait vu qu'est-ce qui a été écrit comme livre après lui, hein, parmi les choses qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Il dit, Wallahu al-Musta'an. Il dit, ces livres-là qui ont été écrits par la suite, souvent par les gens de bid'ah, sont des livres qui opposent la Sunna. Et donc, il n'est même pas permis de les écrire. Ils n'ont même pas la permission de les écrire. Et bien au contraire, c'est permis de les brûler et de les détruire. Hein? Et il n'y a rien de plus nuisible pour la Umma que ce genre de livre. Jusqu'à ce qu'ils disent, par la suite, hein, et le but de tout ce qu'on a mentionné et expliqué à ce sujet-là, c'est de clarifier que ces livres-là sont remplis de mensonges et de bid'ah, et qu'il est obligatoire de les détruire, hein, et de s'en débarrasser. Et c'est encore plus important de détruire ce genre de livre-là que de détruire les contenants d'alcool ou de vin. Il dit parce que qu'est-ce qui est dans comme par exemple, il dit le tort ou le mal que représentent ces livres-là est plus grand que le mal qui est dans l'alcool. Parce que si quelqu'un boit de l'alcool, il va devenir ivre, hein? Ça c'est un péché, ça il n'y a pas de doute. Mais s'il lit qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là, puis il devient kafir, devient mubtada, il s'égare, il risque l'enfer, c'est encore plus dangereux de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec une fausse aqida que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un péché. Hein? Donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne ça de cette façon-là. Et il dit que il n'y a aucune compensation à payer ou aucun dommage à payer si quelqu'un a cassé un tonneau d'alcool ou une bouteille d'alcool ou qu'il a brisé ce genre de choses-là. Donc la même chose pour les livres de bid'ah, hein. Il n'y a pas de dommage à payer pour ça. Il dit, وقال ابن القيم, l'imam ibn al-Qayyim, il a dit également lorsqu'il a parlé de la parole de Ka'b ibn Malik, quand il mentionne que il dit qu'il a mis un livre dans le fourneau pour le brûler, il dit que dans cette parole-là il y a la preuve de l'obligation de détruire les livres qui contiennent des faussetés et des bid'ah, et que si on craint de la part d'un livre qu'il soit la cause d'un mal ou d'un désordre dans la religion, eh bien, il ne faut pas attendre. Hein? Et il dit, c'est comme le vin lorsqu'il est devenu, le jus lorsqu'il est fermenté, lorsqu'il est devenu fermenté, ça devient comme intoxicant. C'est la même chose quand les livres deviennent nuisible et qu'on craint que ça puisse être la cause du mal, eh bien, il faut se précipiter et se dépêcher à les détruire. Donc ça, c'est tiré du livre Zadul Ma'ad et Turuq al-Hukmiyya de Ibn al-Qayyim. Il dit que l'imam ou le cheikh Taqiyuddin al-Fasi, il mentionne dans un livre qui s'appelle Al-Aqd al-Samin fi Tariq al-Balad al-Amin, il cite les paroles du cheikh Sharafuddin Isa Azwawi al-Maliki, qui est mort en l'an 743. Il dit, il est obligatoire pour le dirigeant, lorsqu'il entend les nouvelles ou il entend parler de ce genre d'écrits ou de ce genre de livres, comme les livres de Ibn Arabi, par exemple, Fussus al-Hikam ou bien Fudduhat al-Makkiya, sont les livres écrits par l'hérétique Ibn Arabi. Comme j'en ai parlé hier, un des défenseurs de la croyance en Wahdatul Wujud, c'est-à-dire ceux qui croient que tout est Allah et que Allah est tout, et qu'il n'y a pas de différence entre la création et le créateur. Le créateur et la création, c'est la même chose, c'est une seule chose, une seule et unique chose. Et donc, il considère que tout est Allah. Donc, il y a beaucoup de... C'est un hérétique. Et les ulama l'ont déclaré kafir. Hein? L'ont déclaré kafir. Ibn Arabi. Tandis que les soufis, eux, l'ont appelé Sheikh al-Akbar. Le grand Sheikh, le plus grand Sheikh. Et même que Ibn Arabi lui-même s'était déclaré Khatimul Awliya. C'est-à-dire le dernier des saints. Celui qui est venu clore la sainteté. Hein? Allah al-Musta'an. Ça, c'est grave, puisque ça voudrait dire, selon la définition réelle de qu'est-ce que signifie un wali, ça voudrait dire qu'il serait le dernier des musulmans. Puisque tout musulman est un wali d'Allah, en principe. Hein? Donc, c'est la preuve de l'ignorance et l'égarement de ces gens-là dans leurs paroles. Hein? Et il est enterré, Ibn Arabi est enterré en Syrie, si je ne me trompe pas. Et puis les gens, bien entendu, parmi les soufis, hein, ils vont à sa tombe pour l'adorer, pour lui demander des vœux, de les exaucer. Hein, ils font le shirk avec lui, l'Amstan. Donc il dit, donc si le dirigeant entend que ces livres-là sont présents, hein? Donc il doit les rechercher et prendre toutes les différentes copies du livre qu'il trouve et les brûler. Et il doit également discipliner et punir ceux qui ont été accusés de croire en cette croyance-là et ou bien de croire, de punir ceux à qui ces croyances-là ont été attribuées ou qui ont été connus comme étant parmi ceux qui prônent cette croyance ou ce genre de croyance-là. Et bien entendu, ça c'est proportionnellement à la force de l'accusation et des preuves. Hein. Et il dit... Pour que on fait ça dans le but que les gens le sachent et les gens le connaissent et pour qu'ils puissent être avertis au sujet de cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la guidance par sa faveur et par sa grâce. Ça, c'est donc cette parole rapportée de ce cheikh. Et ensuite, il cite une autre parole du cheikh Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad. Et la plupart des gens, ils le connaissent par le nom de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, qui est très connu. Il a écrit un livre dans lequel il parle des différentes sciences islamiques, puis des différents peuples musulmans, et ainsi de suite. Les koufars disent même de lui que c'est le père de la sociologie moderne. Ibn Khaldun, qui est né dans le nord de l'Afrique, Al-Maliki. Son nom c'est Abu Yazid Abdurrahman ibn Muhammad. Il dit la parole suivante. En ce qui concerne ces livres qui contiennent ce genre de croyances d'égarement et des copies de ces livres qui sont en la possession des gens, comme Al-Fusus de Ibn Arabi et Al-Futuhat aussi, ou bien comme Al-Budd écrit par Ibn Sab'in. Ibn Sab'in, c'est un autre soufi qui avait la même croyance que Ibn Arabi, à peu près. Et le livre Khal'un Na'lain de Ibn Qusay et aussi Aynul Yaqin de Ibn Barjan ou Barrajan. Donc il dit, ou bien également beaucoup d'entre ces livres-là, comme le livre de poésie de Ibn al-Farid ou Al-Afif Al-Tilmisani. Et des gens de cette catégorie-là, ces livres-là aussi doivent être mis avec les autres, parmi les livres d'égarement, de même que le charh de ces livres-là, écrit par Ibn al-Farghani et la Qasida al-Ta'iyya, qui est le nom, l'explication, ou bien le nom écrit par Ibn al-Farid, un autre soufi lui aussi qui croit en la croyance de Wahdatul Wujud. Tous ces gens-là sont des hérétiques et des gens égarés, des extrémistes. Donc il dit le verdict à propos de tous ces livres-là et des livres de ce genre, hein, c'est de les faire disparaître depuis qu'on les trouve et de les brûler par le feu ou de les laver avec de l'eau, de les effacer avec de l'eau pour que toute trace d'écriture qui est dedans soit effacée complètement. À cause du bienfait général qu'il y a dans cela, dans le fait de faire cela pour la religion. Et également le fait qu'on efface les fausses croyances qui égarent. Puis il dit par la suite, et il est obligatoire aux dirigeants, c'est une obligation spécifique même qui est directe pour le dirigeant, hein, de brûler ces livres-là pour repousser le mal qui peut toucher aux gens, qui est un mal général. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à toute personne qui aurait la capacité de les prendre et de les brûler. Sinon, le dirigeant doit le faire. Sinon, le dirigeant doit le faire et doit punir toute opposition ou toute personne qui voudrait empêcher de les faire brûler. Parce que on ne peut pas ou on ne doit pas opposer le dirigeant dans qu'est-ce qui est un bienfait général. Et ça, c'est dans le livre Al-Jawahir wa Durar. As-Sakhawi, qui était un des élèves de Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, et il dit, parmi les choses qui montrent la grandeur de la colère d'Allah et de son messager contre ces gens-là, il dit, c'est que on a trouvé à l'époque de Al-Ashraf Bir Sabai, on a trouvé à son époque des gens qui suivaient le Cheikh Nassimuddin al-Tabrizi, Cheikh al-Khurufiya, c'est-à-dire un des shuyukh des superstitions et des fausses croyances, qui a été exécuté à cause de son hérésie en l'an 820. Et il avait avec lui un livre avec des croyances très mauvaises et il l'a ramené avec lui. Alors ce livre-là a été brûlé. Il a été puni par la suite. Son livre a été brûlé et il a été puni par la suite. Et il a juré qu'il ne le connaissait pas, hein, et qu'il l'avait trouvé avec quelqu'un. Et qu'il pensait qu'il y avait dedans des paroles touchantes qui font frémir le cœur, des paroles qu'on appelle les arwaqa'iq. Et il s'est désavoué de ce livre-là. Et il a témoigné qu'il revenait aux règles de l'islam. Donc il s'est désavoué de ce livre, alors qu'en réalité c'était lui qui l'a écrit. Mais étant donné qu'il voyait que la situation était grave pour lui, il a préféré s'en désavouer et il a refait son shahada, il a renouvelé son islam et il a appliqué les règles de l'islam par la suite. Ensuite, il dit également, un des dirigeants de l'Andalousie à l'époque, c'était Ali ibn Yusuf ibn Tashfin. Il a fait brûler le livre de Abu Hamid al-Ghazali qui s'appelle Ihya ul-Muddin. Il l'a fait brûler. Et ça, c'était avec le consensus des savants de l'époque, hein, qui étaient tous avec lui au moment où on a ordonné de le brûler. Et il dit, قال الشيخ عبد اللطيف ibn عبد الرحمن, dans son livre, dans sa lettre qu'il a écrit à Abdullah ibn Mu'aizir, dans Majmu'at al-Rasa'il wal-Masa'il al-Najdiyah, il dit, lorsqu'il a appris que cet individu-là, Abdullah, enseignait le livre Ihya ul-Muddin aux gens, écrit par al-Ghazali, et qu'il le lisait aux gens en général, il lui a écrit une lettre. Il lui a écrit une lettre. Et c'est le Cheikh Abdul Latif, c'est un des shuyukh parmi les ulama de la da'wa salafiyya dans le Najd, après le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il a écrit cette lettre. Il a dit, de la part de Abdul Latif, ibn Abdurrahman au frère Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il m'est parvenu de ta part que, ou il m'est parvenu à ton sujet que tu, yani, tu distrayais les gens, que tu leur lisais, hein, les livres de Al-Ihya, le livre de Ihya Ulumuddin, et d'autres également, d'autres livres, d'autres livres de la religion, mais que tu lisais en particulier Kitab Ihya Ulumuddin de Al-Ghazali, et que tu avais rassemblé des gens du commun, des gens faibles dans leur connaissance, et que tu leur lisais ces livres, ce livre-là, avec ce qu'il contient comme déformation, falsification, fausse interprétation qui peuvent égarer les gens, et toutes sortes de choses qui sont mauvaises, qui sont enfouies dans ce livre-là, et des philosophies dans les fondements de la religion qui sont très graves. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de suivre son messager et de rester accrochés à la voie des croyants. Et il a interdit de prendre des alliés en dehors d'Allah et de son messager et en dehors des croyants. Et ça, c'est un principe et une base qui est explicite et claire. Et l'islam ne peut pas être établi excepté par ce principe-là. Tandis que le livre Ihya Ulumuddin a emprunté un autre chemin, le chemin des philosophes et des gens de Kalam. Et dans plusieurs des questions qui ont rapport avec les questions qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en Allah, et dans des questions qui sont reliées au fondement de la religion, eh bien, il a emprunté les méthodes philosophiques des philosophes koufars, et des philosophes. Il y en a des gens qui utilisent la philosophie et ils essaient de recouvrir ça avec une couverture de la charia, ou une apparence de la charia. Et les gens du commun et les ignorants qui ne connaissent pas les réalités de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été rapportée par les messagers et qui a été révélée dans les livres, ils pensent que ces choses-là font partie de l'islam lorsqu'ils entendent ce genre de livre. Alors qu'en réalité, c'est de la pure philosophie, puante, et les gens qui ont la connaissance ne connaissent pas ce genre de choses-là, et ils le rejettent. Toute personne qui suit la voie des hommes de science, dans les villes et dans les villages, ils rejettent ce genre de choses-là. Et il dit que les hommes de science et de compréhension, les hommes de science et de religion ont donné comme fatwa de brûler ce livre. Et les savants du Maghreb, parmi ceux qui ont été connus comme étant sur la sunna, ont appelé ce livre-là Imatatu Ulumuddin. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas appelé Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, ça signifie en arabe la revivification, ou le fait de faire revivre les sciences de la religion. Eh bien, beaucoup d'entre les savants de la sunna du Maghreb ont appelé ce livre-là Imatatu Ulumuddin, c'est-à-dire la mort des sciences religieuses, et non pas la revivification des sciences religieuses. Et Ibn Aqil a critiqué et blâmé ce livre-là, et il a fait paraître ses faussetés et les a refutées. Il a refuté tout ce qui était dedans comme égarement et comme fausseté, et il a confirmé que beaucoup d'entre ces chapitres et de ces sujets contiennent de l'hérésie, zandaqa, pure, et qu'on ne pouvait rien accepter de ça. Et donc, ça c'est la parole donc de cet imam Abdul Latif ibn Abdurrahman, qui écrit cette parole à cette personne qui enseignait le livre Ihya Ulumuddin. Donc ça c'est un exemple. Et il dit donc, comme on voit que les choses n'ont pas changé, il dit donc, est-ce que ces imams ont pris le livre Ihya Ulumuddin avec tout ce qu'il contient comme autre aspect? Parce que il n'y a personne qui a dit qu'il n'y avait pas des choses bénéfiques dans le livre de Ihya Ulumuddin. Hein? Ils ont tous dit qu'il y avait des choses qui pouvaient être bénéfiques dedans. Sauf que les savants n'ont pas regardé qu'est-ce qui est bénéfique. Ils ont regardé le danger qui est dedans et le mal qui est dedans, et ils ont mis en garde contre le livre, et ils ont demandé de brûler le livre, ordonné de brûler le livre. Malgré qu'il contient des choses positives et des choses qui sont bonnes dedans. Mais le Cheikh donne ça comme pour faire comprendre et pour faire un genre de parallèle ou d'analogie entre qu'est-ce que les ulama ont fait avec Ihya Ulumuddin et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de la part des gens qui se disent parfois salafis ou sunnis et qui veulent défendre les livres de certains innovateurs aujourd'hui. Hein? Et donc ils essaient de donner cet exemple-là pour dire, regardez les savants dans le passé, parmi les ulama de la sunna qui ont fait brûler le livre Ihya Ulumuddin. Il dit, est-ce que ils ont dit on doit prendre qu'est-ce qui est bon dedans et laisser le mauvais? Hein? Et prendre les bienfaits qu'il y a dedans et laisser de mauvais? Ils disent, pas du tout. Ils n'ont jamais fait ça. Au contraire, ils ont ordonné de le faire brûler et de mettre en garde contre ce livre-là. Il dit, et pourtant, le livre Ihya Ulumuddin, il est bien meilleur que beaucoup d'entre les livres que les Hizbiyyins aujourd'hui nous invitent à lire. Hein? Il y a beaucoup plus de bienfaits dans Ihya Ulumuddin, par exemple, que dans les livres de Sayyid Qutb, par exemple. Hein? Et malgré tout, les savants ont ordonné de le brûler. Il dit donc, ces livres de Sayyid Qutb aujourd'hui, qui sont vénérés et exaltés par ceux qui le suivent, il dit, dans ces livres-là, il n'y a pas une bid'ah, excepté qu'il l'a mis dedans. Et ce n'est pas des bid'ahs petites, hein, c'est des bid'ahs graves et sévères. Donc il n'y a pas une bid'ah excepté qu'il l'a mis dans son livre et qu'il l'a adopté et qu'il l'a supporté dans son livre. Et si les livres de Sayyid Qutb et les livres de ce genre existaient à l'époque des Salaf al-Salih ou à l'époque du Khalifa Ali ibn Yusuf, celui qui a fait brûler Ihya Ulumuddin, il aurait retardé le livre, il aurait dit, ok, attendez, pour faire brûler Ihya Ulumuddin, on va commencer par les livres de Sayyid Qutb en premier, à cause du danger qui sont dedans. Hein? Et, ou bien il les aurait brûlés les deux en même temps. Hein? Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on plaint notre faiblesse. Donc, en fait, qu'est-ce que le cheikh il essaie de nous faire comprendre d'une certaine façon aussi, c'est que en réalité les gens aujourd'hui nous disent que les ulama salafiyin sont durs ou sont trop durs, alors que dans les faits et dans la réalité, on est beaucoup plus faible que les savants parmi les savants des salafs par rapport à ces questions-là, et on est beaucoup moins sévère que par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils faisaient. Hein? Eux, ils étaient beaucoup plus durs que nous encore. Donc si les gens de Hizbiyya et les gens de Bid'a aujourd'hui nous critiquent, et critiquent en particulier les ulama d'Ahle Sunna d'être durs, hein, eh bien en réalité, imaginez ce qu'ils diraient à propos des salafs. Ils diraient qu'eux sont extrémistes. Hein? Allah al-musta'an. C'est pour ça que c'est toujours bien de retourner à l'exemple de nos salafs pour comprendre la réalité de l'islam. Parce que ça nous aide par la suite à comprendre où se trouve la modération et le juste milieu. Parce que si on écouterait les gens d'aujourd'hui pour déterminer qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas extrême, hein, sans se référer au Coran et à la Sunna et à l'exemple de nos salafs, eh bien on jugerait selon nos passions et nos désirs et non pas selon la réalité. Le Cheikh il dit ensuite, et parmi les exemples de ce genre d'attitude envers les gens de Bid'ah et qui devraient être écrits avec de l'or, hein, il y a ce qui est arrivé par rapport au Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah. Mohammed ibn Ibrahim, c'est l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, le Cheikh de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, celui qui était le mufti avant Cheikh ibn Baz, rahimahullah. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, à son époque, il y a un individu qui s'appelait Abdullah Al-Khanizi. Il a écrit un livre qui s'appelle Abu Talib Mu'minu Quraysh. Abu Talib Mu'minu Quraysh, c'est-à-dire Abu Talib le croyant de Quraysh. On sait que Abu Talib, il n'est pas mort musulman. Hein? Mais il y a des soufis qui prétendent qu'il était pas, qu'il est mort croyant. Et qui refuse d'accepter qu'il est mort, hein, mouchrik. Il y en a qui ont même inventé l'histoire qu'il reviendra à la vie, à la fin des temps, ou je ne sais pas quand, et qu'il va affirmer sa foi en l'islam avant de mourir. Ou des choses de ce genre. Et donc, ça fait partie de leurs histoires qu'ils ont inventées. Pour eux, tous les membres de la famille du professeur Hassan sont des croyants. En tout cas, alors qu'il y a des preuves authentiques qui montrent que non, c'est pas le cas. Et que Abu Talib, il est mort mushrik. Hein, et même que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé dans le Coran, le verset qui dit Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. C'est-à-dire que tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et c'était à propos justement de son oncle Abu Talib, hein, qui est mort mushrik. Et le professeur Sam a dit à son sujet qu'il fait partie des gens qui vont avoir le plus petit châtiment dans l'enfer. Et c'est qu'il aura ses deux pieds dans des chaussures de feu, hein, avec des lacets de feu, et que ça fait bouillir son cerveau, yani. La chaleur de ça fait bouillir jusqu'à son cerveau. Donc, ça c'est la preuve qu'il est mort mushrik et qu'il est dans l'enfer. Mais les gens de Bid'ah, quand ça ne marche pas avec leur aqida, ils cherchent tous les moyens pour nier la réalité, même quand la réalité et les preuves sont claires à ce sujet-là. Donc, il a écrit ce livre-là, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais probablement que c'est ce genre de choses. Et il a Cheikh Mohammed ibn Ibrahim a établi un verdict, hein, très ferme au sujet de cette personne-là, jusqu'à ce que Al-Khanizi déclare sa repentance de ce qu'il a écrit. Et qu'il écrive cette repentance-là, qu'il fasse cette repentance par écrit et qu'il la signe. Et voici la mention donc de cette décision qui a été prise par le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Donc il dit de la part de Mohammed ibn Ibrahim au directeur de police de Riyad, Sallamahullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit après avoir indiqué le traitement de votre part qui est numéroté du numéro 944 et il mentionne la date le dixième jour du 11e mois de l'année 1381 qui est relié au jugement à propos de Abdullah Al-Khanizi. Eh bien, après avoir connaissance du traitement en question, nous avons trouvé le décret suivant qui est établi sur la condamnation, donc qui est basé sur quatre points, les quatre choses suivantes. Premièrement, l'expropriation de toutes les copies du livre et l'ordre de les faire brûler. Et ça, c'est comme les savants l'ont indiqué au sujet du verdict des livres des gens de Bid'ah. Donc, le premier point dans les quatre points, c'est d'exproprier tous les livres et l'ordre de les faire brûler, parce que c'est le verdict au sujet des livres des gens de Bid'ah. Et c'est ce que les ulama ont mentionné explicitement à ce sujet-là. Le deuxième point, que cette personne-là soit punie par l'emprisonnement durant une année complète, et qu'à chaque deux mois, il soit frappé de 20 coups, qu'il soit fouetté de 20 coups dans le marché. Après la durée de l'année indiquée, en présence d'un des représentants du comité de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, avec un représentant de la mairie et du tribunal. Donc ça, c'est sa punition. Emprisonnement un an, et à chaque deux mois, il doit recevoir 20 coups de fouet dans le souk, dans le marché, avec les représentants des différents départements du gouvernement et du tribunal et de la mairie. Troisièmement, il doit être appelé à se repentir. Et s'il se repente, qu'il divulgue cette repentance et qu'il l'écrive par écrit. Et il doit écrire contre ce qu'il a écrit dans son livre qu'on a mentionné et qui a été publié. Et donc cette lettre qu'il écrit, dans laquelle il répond, il réfute ce qu'il avait écrit dans son livre, doit être publié dans les journaux. Et lorsque la période, lorsque la période de son emprisonnement sera finie, on va le laisser partir s'il a signé cette repentance-là. Et s'il ne le fait pas, et on ne le laissera pas sortir après une année s'il ne se repent pas de cette façon-là. C'est-à-dire, après une année, il a fini son année, mais s'il ne s'est pas repenti ouvertement de cette façon-là, par écrit, eh bien, il ne va pas être libéré. Quatrièmement, il sera licencié ou renvoyé de son travail. Et il ne pourra pas prendre aucun emploi dans la fonction gouvernementale, parmi les fonctions gouvernementales. Parce que ça fait partie des punitions à ce sujet-là. Et ça c'est ce qui a rapport avec la punition qui a été décidée par le comité. Après avoir complété tout ça, et après, donc la repentance et ainsi de suite. Donc c'est ça ce qui a été décidé. Et il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on voit comment il a été sévère et dur envers les gens de Bid'ah et ceux qui opposent les sunan. Et c'est comme ça qu'il était, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est comme ça qu'il était dans sa vie avec les gens de Bid'ah. Et à son époque, ils avaient très peur. Ils avaient très très peur, une grande crainte. Comme ceux qui étaient vivants à son époque l'ont mentionné et en ont témoigné. On jouait pas avec la religion dans ces questions-là. Ça, c'est contraire à ce que les gens de Bid'ah aujourd'hui sont en train de dire aux musulmans et aux kuffars, que dans l'islam, tu peux penser comme tu veux, dire ce que tu veux, croire en ce que tu veux. Et comme certains vont jusqu'à dire aujourd'hui, comme Tariq Souaidan, comme j'ai mentionné hier, qu'on peut même s'objecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'objecter à Allah même. Allah al-Musta'an. Donc, C'est pas comme ça. Sinon même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelqu'un, il peut venir puis se déclarer prophète, hein, selon les droits de l'homme. Quelqu'un a le droit de croire en ce qu'il veut. Donc quelqu'un peut venir dire qu'il est un prophète et sortir un livre et dire que ça c'est un autre livre révélé par Dieu. Et nous, on n'aurait pas le droit de faire ou de dire quoi que ce soit. Hein? Et il faudrait qu'on l'accepte et qu'on dise oui, c'est correct, t'as le droit de dire ça. A'udhu billah. Alors que Allah, il dit clairement dans le Coran le contraire. Hein, que les derniers des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que si quelqu'un se prétend prophète après lui, c'est un dajjal. Hein? Mais selon les droits de l'homme, non. Selon la charte de ces gens-là, n'importe qui peut commencer demain sa nouvelle religion, se déclarer un prophète, dire qu'il a vu un rêve ou des choses de ce genre, et puis commencer sa secte ou son groupe, appeler les gens à le suivre. C'est ça le danger dans ça. Allah musta'an. Et donc ceux qui appellent à une bid'a, c'est un peu la même chose que ceux qui inventent une nouvelle secte ou qui se déclarent prophète ou des choses de ce genre, même si ce n'est pas au même degré, mais ça ressemble à ça aussi. Hein? Et c'est pour ça que tu vois les soufiyines, hein, quand ils veulent commencer une tariqa, c'est comme ça qu'ils font. Ils disent j'ai vu le prophète, ou j'ai reçu l'ange Gabriel, il m'a dit telle ou telle affaire, et ils commencent à appeler les gens à le suivre. Et il se distingue des autres shuyukh soufiya et des autres turuq avec différentes adorations, différents habillements, différentes méthodes, et ainsi de suite. Ensuite, il dit, mais par contre, donc les gens à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, eh bien, comme j'ai dit, ils faisaient très attention, ils avaient peur. Donc parce qu'ils savaient que, bien entendu, ils savaient que s'ils faisaient des choses pas correctes et qu'ils écrivaient des faussetés, ils risquaient d'être punis. Et il dit, imaginez à notre époque combien mériterait qu'on agisse avec eux de cette façon-là, hein, et qu'on les punisse de cette façon. Parce qu'une fois qu'on l'a fait à un d'entre ces gens de bid'a, qu'il a reçu cette punition-là, ça sert de leçon pour les autres par la suite. Et ils vont faire très attention et ils vont réfléchir avant d'écrire n'importe quoi par la suite. Hein? Et il dit, pour être juste par contre envers Abdullah al-Khanizi, il faut mentionner donc qu'il s'est repenti de son erreur. Il a écrit ça avec sa propre main et il a déclaré et diffusé ça, repentance par écrit. Et cette repentance-là, elle est écrite et elle est enregistrée, donc il n'y a plus de blâme pour lui maintenant, puisqu'il est revenu sur son erreur, d'accord? Donc ça, c'est pour être juste. Il dit, parmi les paroles des hommes de science aussi, à propos de la façon dont on doit agir avec les gens de bid'a, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il a dit, c'est dans Majmou' Fatawa wa Rasail, Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, il dit que parmi les formes de boycott et du fait de s'écarter, il faut s'écarter des gens de bid'a et cesser de regarder dans leurs livres par crainte de la fitna, hein, d'être éprouvé ou tenté par, ou égaré par ce genre de livres. Également, de ne pas les diffuser parmi les gens et de s'écarter des endroits qui, ou des lieux ou des choses qui peuvent amener à l'égarement. Ça, c'est obligatoire. Et il dit, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du Dajjal, qui a dit, celui qui entend parler du Dajjal, alors qu'il s'enfuit, qu'il s'éloigne de lui, car par Allah, hein, il dit, je jure par Allah qu'un homme va, il va être approché par le Dajjal, et lui, il va penser, c'est-à-dire cet homme-là va penser qu'il est fort, qu'il est croyant, qu'il est capable de résister à la tentation du Dajjal, et à la fin, il va se mettre à suivre le Dajjal à cause du nombre des shubuhat que le Dajjal va lui lancer. Donc toi, tu te sens en confiance avec toi-même, tu dis, ah, j'ai pas peur, j'ai ma foi, je suis fort, je suis solide, j'ai confiance en ma foi. Tu arrives devant le Dajjal, il te sort des shubuhat, des prodiges, des actes, des choses que tu n'as jamais vues, et puis tu commences à le suivre à cause de ça. Et beaucoup de gens vont être égarés. Imaginez aujourd'hui, maintenant, des gens qui sont même pas le Dajjal, quand ils vont devant certains musulmans, ils commencent à leur faire des tours de magie, de sihr et des choses comme ça, et les gens les suivent et commencent à se prosterner devant eux, puis à marcher à quatre pattes devant eux pour embrasser leurs pieds et des choses de ce genre. Qu'est-ce que les gens font dans les pays où il y a beaucoup de tasawuf, de soufia et de khurafia? Tu vois des gens comme ça, ils marchent devant leur cheikh à quatre pattes, hein, et ils embrassent leurs pieds et ils se soumettent à eux comme si c'était Dieu sur terre. Donc imaginez si ces gens-là font ça et qu'ils font ça avec eux, comment ils vont agir lorsque le Dajjal va venir? Donc c'est encore pire, hein? Et il dit, c'est rapporté par Abu Daoud ce hadith, et Cheikh Al-Albani il a dit que la chaîne de transmission il est authentique. Il dit, mais si le but de regarder dans ces livres est... Tu peux laisser ouvert, hein? Ouais, parce qu'il fait un peu chaud. Donc, il dit, si le but de regarder dans ces livres, c'est de connaître cette bid'a ou leur bid'a dans le but de les réfuter, ça, il n'y a pas de problème de le faire. Pour celui qui a la connaissance de la bonne aqida, hein, et qui a la capacité de les réfuter, comme on a expliqué hier. Et il se peut même que dans certains cas, cela soit obligatoire. Parce que la réfutation des bid'ah est une obligation. Mais, on a dit, ça c'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour des gens qui ont la connaissance de la aqida correcte, et qu'ils sont fermement ancrés dans la science à ce sujet-là, et qui ont la capacité de les réfuter. Hein? Le cheikh, il dit ensuite, ça c'est donc la fin de la citation de cheikh Ibn Al-Taymin. Maintenant, on a posé la question à cheikh Saleh Al-Fawzan. Quelle est la parole de vérité au sujet de la lecture des livres des Mubtadi'a ou du fait d'écouter leurs cassettes? Ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Les cassettes, les audios. Hein, avant, il n'y avait que les livres pour enregistrer les paroles. Maintenant, on a d'autres moyens. On a les cassettes audio et les enregistrements. Donc, quel est le verdict à propos de ces cassettes et de ces audios? Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit, il n'est pas permis de lire les livres des Mubtadi'a ni d'écouter leurs cassettes, excepté pour celui qui veut les réfuter et clarifie leur égarement. Hein? Donc ça c'est dans le livre Al-Ajwibatul Mufida ala al-As'ila ou ala as'ilatil manahij al-jadida, à la page 70. Donc ça c'est un autre exemple. Et il dit, et de même que les ulama d'Ahl Sunna, c'est comme ça qu'ils ont toujours agi envers les gens de bid'ah et leurs livres. Hein? Donc, arrête-toi là où ils se sont arrêtés. Arrête-toi à l'endroit où les salafs se sont arrêtés. Et considère comme étant suffisant pour toi ce qui a été suffisant pour eux. Hein? Donc, celui qui considère que ça lui suffit, ce qui a été suffisant aux messagers, et ce qui a été suffisant aux salafs, et aux imams de l'islam, il considère que ce n'est pas suffisant pour lui, hein, alors Allah ne lui suffira pas. Hein, il n'y a rien qui va lui suffire. Et celui qui ne trouve pas suffisant ce qui a été suffisant pour eux, ou qui n'est pas satisfait de ce que de ce qui les a satisfaits eux et qui ne suit pas leur chemin, alors il fait partie du parti du shaitan. Il fait partie du hizb du shaitan. إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُولُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Il ne fait appeler son parti ou inviter son parti pour qu'il soit des compagnons de la fournaise, de l'enfer. Donc celui qui n'est pas satisfait du droit chemin, eh bien il va suivre le chemin de l'enfer. Et donc tous ceux qui suivent un chemin autre que celui des salafs, ça va l'amener à sa perte. Hein? Et toute personne qui s'écarte, qui dévie de la sunna, eh bien, il dévie en réalité du chemin vers le paradis. Alors craignez Allah et craignez-le à propos de vos propres âmes et de vos personnes, parce que c'est quelque chose de dur et de grave. Hein? Et après le paradis, il n'y a que l'enfer. Et après la vérité, il n'y a que l'égarement. Et après la sunna, il n'y a que la bid'a. Ensuite, il dit, tout en sachant que les salafs faisaient la différence entre les gens de bid'a qui invitent à leur bid'a et les gens de bid'a qui n'invitent personne à leur bid'a. C'est-à-dire qui font des bid'a pour eux-mêmes et qui les gardent à eux-mêmes seulement. Qu'ils ne vont pas les diffuser aux autres. Et il dit que parfois les salafs ont été poussés par la nécessité à profiter de ceux-là. C'est-à-dire à profiter de la science de ceux d'entre les jeunes bid'ah qui n'invitent pas à leur innovation. Parce qu'il y a en ceux-là une certaine religion et aussi une sincérité et une honnêteté en ce qui concerne la religion et la science. Et le fait également qu'ils n'invitent pas à la bid'a dans laquelle ils sont tombés eux-mêmes. Et ici, il mentionne une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui explique la cause de la distinction que les ulama ont faite entre les gens de la passion avec la présence de la divergence au sujet de chacun d'entre eux, la différence entre les gens de science et les gens de la passion, avec la différence qu'il y a entre les deux. Le cheikh il fait un long énoncé qui serait assez compliqué à traduire. J'ai essayé différentes façons d'essayer de résumer le point que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Mais c'est très compliqué à expliquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste traduire la conclusion de ce que Cheikh Ibn Taymiyyah a dit. Puis, ça vous donne quand même une idée de qu'est-ce qu'il explique. Dans son livre Al-Qawa'id al-Nouraniya, de la page 151 à 152, la conclusion de sa citation, c'est quoi? C'est que le mujtahid, la personne qui fait l'ijtihad et que c'est un ijtihad qui est purement scientifique, elle n'a pas d'autre objectif ou but ou intérêt sauf d'atteindre la vérité. Et pour y arriver, il ne prend pas d'autre chemin que le chemin de la vérité pour arriver à cet ijtihad-là. Tandis que la personne qui suit sa passion et purement sa passion, c'est celui qui connaît la vérité, mais qui fait preuve d'opposition par arrogance ou par opposition à la vérité. Donc, il sait la vérité, mais il refuse de le prendre. Des fois, c'est à cause de son ignorance, des fois, c'est à cause de son mauvaise intention aussi, parfois, et sa passion. Donc, ça c'est pour résumer la conclusion de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à propos de ce point-là. Puis, il dit ensuite, et c'est pour ça que les savants, ils font une distinction entre les narrateurs de hadiths qui ont des bid'ah et qui appellent à la bid'ah et ceux qui ont des bid'ah mais qui n'appellent pas à leur bid'ah. Donc ça, c'est une question à propos de laquelle les savants ont divergé en trois positions. La première position, c'est l'interdiction absolue. C'est-à-dire l'interdiction de prendre ce qui vient des gens de Bid'a de façon absolue, c'est-à-dire peu importe qu'ils soient des du'at ou non. C'est-à-dire peu importe qu'ils invitent à leur Bid'a ou non. Et ça, c'est la position, entre autres, de Ibn Sirin, de l'imam Malik, de l'imam Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna, de l'imam Al-Humaydi, et de Yusuf Ibn Abi Ishaq, et de Ali Ibn Harb, et d'autres. Donc ça, c'est la première position. Et il se base sur deux points pour cette position-là. La première, c'est soit le fait de faire le takfir des gens de Bid'ah, ou le fait de les déclarer comme étant des pécheurs, des foustaques. Et entre les deux, il y a une grande divergence. C'est-à-dire, est-ce qu'ils les considèrent kuffar ou foustaques, des pécheurs ou des mécréants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la raison pourquoi ils ne veulent rien prendre d'eux, c'est pour les humilier et pour complètement s'écarter d'eux. Et en même temps, c'est comme un châtiment pour eux, une punition pour les gens de Bid'ah. En abandonnant leur narration. Même s'ils n'ont pas jugé que ce sont des koufars ou des foussards. Ça, c'est la première position. La deuxième position, c'est qu'il est permis de rapporter leur narration tant qu'ils n'ont pas été accusés de mensonge. Donc, c'est permis de rapporter leurs paroles tant qu'ils n'ont pas rapporté de mensonge. Et ça, c'est la position de Abu Hanifa, de Shafi'i, de Yahya ibn Sa'id et de Ali ibn al-Madini. Ils vont rapporter les paroles d'un mubtadi' tant qu'ils n'ont pas rapporté de mensonge. Et la position numéro 3, c'est de distinguer entre celui qui appelle à sa bid'a et celui qui n'appelle pas à sa bid'a. Et ils ont interdit de rapporter la parole ou le hadith de la personne qui invite à sa bid'a en dehors des autres. Donc celui qui appelle à sa bid'a, il ne rapporte pas son hadith. Mais celui qui appelle à la bid'a, il ne prend pas son hadith. Celui qui appelle pas à sa bid'a, il le prend. Et ça, c'est la parole la plus apparente. Et c'est la position de la majorité. Comme Ibn al-Mubarak, Ibn Mahdi, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, et une narration parmi les paroles de l'imam Malik. Et c'est le choix également de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de Ibn Hajar al-Asqalani. Sauf qu'ils ont limité et restreint cette acceptation de celui qui n'est pas un da'ya, à condition que la narration qu'il est rapportée ne vienne pas renforcer sa bid'ah. C'est-à-dire qu'ils vont accepter de rapporter la parole d'un mubtadi' qui n'appelle pas à sa bid'ah, mais ils rajoutent une condition supplémentaire, c'est-à-dire que le hadith qu'ils rapportent ne doit pas renforcer leur propre bid'ah. D'accord? Donc si il n'appelle pas à sa bid'a, mais que le hadith supporte sa bid'a, on ne rapporte pas ce hadith-là de lui. Et le cheikh, il note en bas de page que celui qui veut des détails à propos de ça, il peut retourner au livre Nuzhatun Nazar de Ibn Hajar al-Asqalani et Tadrib al-Rawi et Sharh ila al-Tirmidhi et également Minhaj al-Sunnah de l'imam Ibn Taymiyyah. Donc, il dit, et quand on a compris cette distinction-là et cette séparation, que cette qualification des ulama à propos du fait de profiter de qu'est-ce que rapportent les gens de bid'a lorsqu'ils n'appellent pas à leur innovation, on peut comprendre la fausseté de la personne qui essaie de faire ou de mettre à égalité. De faire une équivalence, une égalité entre Ibn Abi Uruba et Qatada et d'autres, rahimahumullah, et Sayyid Qutb ou Hassan al-Banna ou al-Ghazali, le contemporain, et d'autres également parmi les gens de Bid'ah, yani, qui sont dans la catégorie de ces individus-là. Et il dit, j'ai mentionné cette parole-là pour clarifier la différence entre les gens qui appellent au manhaj salafi et à la vérité, et ceux qui se prétendent salafi, mais qui essaient d'utiliser certaines bid'ah, certaines erreurs de certains des imams de Ahl Sunnah pour les rabaisser et pour les dénigrer, comme les Haddadiyya par exemple. Haddadiyya, comme Mahmoud al-Haddad qui appelait à brûler par exemple le livre de Ibn Hajar al-Asqalani et le sharh de l'imam al-Nawawi de Sahih Muslim, ou bien qui trouve des erreurs dans certains livres des ulama d'Ahl Sunnah comme Ibn Abil Izz, et qui essaie de critiquer ou d'attaquer sharh al-Tahawiyya par exemple, ou ceux qui font preuve de dureté envers l'imam al-Shawkani et d'autres parmi ces savants-là, parmi ceux qui ont élever la bannière du tawhid et de la sunna, et qui sont tombés dans certaines erreurs. Donc on ne va pas tomber dans l'extrême de ces gens-là. Et c'est souvent une shubha, justement, que les hizbines aujourd'hui qui veulent défendre des mubtadi'a comme Sayyid Qutb ou autres vont mentionner. Ils vont dire, pourquoi vous prenez de Ibn Hajar ou de l'imam al-Nawawi alors que vous ne voulez pas prendre de Sayyid Qutb et de Hassan al-Banna et de ces gens-là? Premièrement, l'imam al-Nawawi et l'imam ibn Hajar sont des ulama, des grands imams dans le hadith, tandis que Sayyid Qutb et Hassan al-Banna sont des juhal, sont des ignorants, ils ne font pas partie des ulama. Donc tu ne peux pas, premièrement, les comparer. Et deuxièmement, l'imam ibn Hajar et l'imam al-Nawawi font partie des imams du hadith, et leur méthodologie et leur manhaj, c'est le manhaj des gens du hadith. Même si dans certaines questions, dans l'asma al-sifat ou des points de ce genre-là, ils ont pu commettre certaines erreurs, mais de façon générale, on voit que leur manhaj, c'est le manhaj des gens du hadith, et qu'ils ont été sincères dans cette voie-là, qu'ils ont fait l'ijtihad, mais qu'ils se sont trompés. Donc ils sont excusés pour ça, Inch'Allah. Et de même que l'imam Ibn Abi al-Izz, peut-être certains les critiquent par rapport à la question de l'Iman et la question de la foi. Donc probablement que c'est à cause de ça. Et l'imam al-Shawkani aussi, parce que parfois il tombe dans certains ta'wil de certains attributs. Mais n'empêche que c'est un des défenseurs du tawhid et de la sunna. Et ces erreurs-là sont des erreurs, Inch'Allah, qui leur seront épargnées, parce que ce sont des mujtahidines. Ce sont des savants mujtahidin qui ont fait des erreurs. Donc, c'est pas la même chose qu'un ignorant qui appelle à des bid'ahs graves et qui n'est même pas parmi les ulama ou ne fait pas partie des mujtahidin. Donc, on a terminé, donc, Inch'Allah, le chapitre 3 avec cette conclusion-là. Et le cheikh, il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité comme telle et de nous permettre de la suivre, et de nous montrer le faux comme tel et de nous permettre de nous en écarter. Et Allahu a'lam, Allah est le mieux connaissant. Donc Inch'Allah, si vous voulez, on va s'arrêter ici, on va prendre une petite pause, puis on va tout de suite reprendre pour commencer le chapitre 4, Inch'Allah. Et j'ai vérifié les citations qui sont mentionnées dans le chapitre 4, c'est au sujet du consensus des ulama sur le fait de faire le hajr, c'est-à-dire de s'écarter des gens de bid'ah. Eh bien, ils citent une trentaine d'entre les imams d'Ahl Sunnah et leurs paroles au sujet de l'attitude envers les gens de bid'ah, pour montrer qu'il y a un consensus. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de lire les 30 aujourd'hui. Toutefois, peut-être qu'on pourra peut-être lire la moitié ou quelque chose de ce genre-là. Donc, je me suis dit que si on n'a pas le temps de les lire tous aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester? Peut-être un cours encore, peut-être, qui va rester. On le terminera dans le prochain cours qu'on fera inchallah lundi à Charleroi bismillah. D'accord, donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.